Cinquièmement, de l'égalité. On objecte que l'inégalité actuelle des fortunes et des salaires résulte de celle des intelligences. Il est vrai qu'aucun homme ne ressemble parfaitement à un autre au physique, comme au moral. Nous naissons même avec de profondes inégalités. Mais cela est une conséquence de notre mauvaise organisation sociale. Il est scientifiquement démontré que par une éducation et un régime uniforme, continués à travers plusieurs générations, nous arriverons progressivement, non point à l'égalité rigoureuse, mais au niveau moyen le plus élevé qu'il soit possible d'atteindre. Nous supprimerons ainsi les monstrueuses inégalités qui existent aujourd'hui et qui font de tant de millions de nos semblables des êtres plus voisins de la brute que de l'homme civilisé. Nous pouvons donc formuler hardiment ce principe « tous les hommes sont égaux ». En effet, pourquoi dans le présent n'atteignent-ils pas tous le même développement physique? C'est parce que ceux-ci sont nés de parents sains, ceux-là de parents maladifs, parce que les uns sont élevés dans l'aisance, les autres dans la misère. Pourquoi n'ont-ils pas la même intelligence? C'est en raison des atavismes ou des hérédités, quelquefois des circonstances physiologiques, de la conception. C'est surtout parce qu'ils n'ont pas reçu la même éducation et qu'ils ne jouissent pas de la même santé. Qu'il nous soit permis de réfuter ici une erreur qui a servi de base à la philosophie de Darwin. D'après celui-ci, la nature est la mesure du plus grand bien, le struggle for life. L'écrasement du faible par le fort étant sa loi générale. Les inégalités de tout ordre sont fatalement irrémédiables. Il n'est pas vrai que la nature soit la mesure du plus grand bien. Si cela était, nous n'aurions qu'à la suivre. Nous vivrions à l'état sauvage comme les autres animaux. C'est au contraire parce que nous la trouvons insuffisante, imparfaite, que nous nous réunissons en société. Elle n'est donc pas, pour nous, une règle immuable. Le rôle de la société consiste précisément à la rectifier, en atténuant les inégalités fâcheuses qui sont cause de la débilité des uns et de l'imbécilité des autres. L'égalité n'est pas dans la nature, elle est dans le progrès de la science, dans l'organisation et le fonctionnement du meilleur état social. Il ne faudrait point s'imaginer que, par le fait de l'institution du régime collectiviste, ceux qui sont aujourd'hui au niveau de la brute vont devenir subitement des hommes intelligents. Victimes d'une ascendance dégradée, ils resteront ce qu'ils sont et leur postérité immédiate ne leur sera guère supérieure. Le progrès se manifeste plus lentement, mais il est évident qu'après 5 ou 6 générations, toutes les différences de force physique et d'intelligence seront réduites au minimum. Il ne s'agit pas d'affirmer que les hommes seront toujours inégaux, parce qu'ils l'ont toujours été. On ne conclut pas l'avenir par le passé. Et puis, il n'y a pas d'énigme dans la nature. Nul fait ne se produit sans cause. Pourquoi cette inégalité? Pour y croire, il faut admettre l'existence d'un dieu créateur capricieux et fantasque. Comme au contraire, le monde est l'œuvre d'une force fatale, toujours identique à elle-même, il n'y a pas de raison pour que les uns naissent avec des qualités que les autres n'ont pas. Si cela se produit si souvent, c'est que l'ordre immanent des choses a subi une perturbation. Il y a des causes à ces accidents. Nous en avons déjà signalé quelques-unes. La science sociale a pour but de rechercher les autres et de les prévenir. En préconisant l'égalité des conditions, de la force physique et des intelligences, voilà comment nous la comprenons. Nous savons qu'elle est provisoirement une utopie. Mais une longue, une minutieuse observation des phénomènes sociaux nous fait croire que demain, elle se réalisera, parce qu'elle a présidé à la conception primordiale des clans et des tribus, parce qu'elle est inséparable de l'idée même de la société.